بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة ومن تبع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا شك ولا ريب في أن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل خلق الإنس والجن لحكمة معلومة وهو العبادة الله عز وجل il nous a créé afin qu'on adore et afin qu'on l'unifie subhanahu wa ta'ala et le fait de l'unifier ça passe par le fait de savoir comment l'unifier لأن التوحيد هو عمل c'est une œuvre و l'œuvre doit être précédée par quoi بالعلم كما قال subhanahu wa ta'ala فعلم أنه لا إله إلا الله Allah عز وجل خلقنا للا إله الله il nous a créé pour mettre en place la ilallah. Et il a dit dans cette ayah-là, fa'alam, et sache, c'est-à-dire apprends, sache, yani, comment tu dois yani, unifier Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah. Et ça, ça passe par le biais d'apprendre d'étudier ce genre de livres-là qui ont été mis en place fi tawhid. Wa al-akthar fi dhalika les kutub de Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, Sheikh l'Islam, al-Najdi. Fa kutubuhu muhaqqaqa. Alhamdulillah, les safiyat takalluf, il n'y a pas beaucoup de paroles, c'est beaucoup, il dit une chose, ensuite il ramène la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi des aqwal des salaf. Fa kutubuhu, rahimahullah ta'ala, kutub qayyimah, jayyida, c'est des bons kutub dans la source du tawhid. Wa hauna, inshallah, fi hada al-yom, nabda fi al-wajibat al-mutahattimat, al-ma'rifa ala kulli muslim wa muslimah. وهذا الكتاب يفوسابوغ كو سي با لو كتاب دو شيخ الاسلام النجدي رحمه الله تعالى الى با يكري ان ليف كي سابال الواجبات المتحتمات المعرفه على كل مسلم ومسلمه وانما جاء ان طالب كما قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى ولو كونسيدير كوم ايتان ان سلفي كي سابال عبد الله ابن ابراهيم القرهاوي celui qui est venu et qui a يعني جمع ما تفرق من كتب وكلام شيخ الاسلام رحمه الله الى réunit les paroles qui étaient un peu dispersées dans les livres de Cheikh al-Islam, rahimahullah. Donc il a fait un recueil où il a réuni des paroles de Cheikh al-Islam. Donc c'est lui qui a fait ce recueil-là. Mais sinon les paroles qui sont évoquées dans ce livre-là, c'est celle de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, lakin c'est pas son livre. C'est pas son livre. Et Abdullah ibn Ibrahim al-Qarawi, celui-là, wallahu a'lam, il faudra regarder par rapport à son hal, il y en a maintenant. Ça c'est la parole de Najmi, rahimahullah ta'ala, qui nous a quitté maintenant, yani, peut-être il y a 5 ans. Donc, yani, quelle est la situation de cet auteur-là qui a fait ce recueil-là? Wallahu a'lam. Et faut faire attention, c'est pas le même. Parce qu'il y a deux personnes qui s'appellent Qarawi, Abdullah al-Qarawi. Il y a celui-là, qui est l'auteur de ce recueil-là, Abdullah ibn Ibrahim al-Qarawi. Il y a aussi, kathalika, Abdullah ibn Muhammad ibn Hamd al-Qarawi. Celui-là, c'est le shir de Sheikh Najmi, rahimahullah. Il y a deux Abdullah al-Qarawi. Certaines personnes, lorsqu'ils voient le livre, yani, ils disent que c'est le Cheikh al-Najmi qui a fait le kitab. Non, ce n'est pas lui. Il y a deux Abdullah al-Qarawi. Celui qui l'a réuni, c'est un talib al-ilm, comme il a dit Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Amma Abdullah ibn Muhammad ibn Hamd al-Qarawi, ça c'est le Cheikh de Cheikh al-Najmi, rahimahullah. Et il appelle al-Mujaddid du sud de Mamlaka. Celui qui a été une cause de propager la sunna yani dans le sud de la Mamlaka rahimahullah ta'ala fa sama al-kitab wa qala tarjama du kitab fa sama al-kitab al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifa 'ala kulli muslim wa muslimah les obligations dont chaque muslim et musliman se doit de connaître al-wajibat il faut savoir que al-wajibat lughatan au sens linguistique al-wajib ça vient du verbe wajaba et wajaba dans la langue arabe il a deux sens. Soit bimana al-suqut ou bimana al-wuqu'. Il y a une chose qui est tombée ou une chose qui va survenir. Les Arabes disent mathalan wajab al-bi'. Wajab al-bi'. Bimana, la vente est survenue. La vente a été faite. Et ils disent kadhalika mathalan wajab al-mayyit. Bimana saqata, il est tombé. Wajab al-mayyit bimana saqata, c'est-à-dire qu'il est tombé. Donc dans la langue arabe, wajib, ou plutôt wajaba, ça a deux sens. Imma waqaha, survenir, une chose qui est survenue, tamam, qui a été accomplie, qui a été faite, ou bien le mar bimahna saqata, qui est bimahna tombé, wajaba al-mayyit et saqata. Et dans le hadith, ou plutôt dans al-kishar, dans l'islam, il est venu le sens de saqata. كما في قال سبحانه وتعالى في إذا وجبت جنوبها en parlant de Ibil, يعني في الحج lorsque il fait un nahr, lorsqu'il fait le sacrifice, فالله سبحانه وتعالى il dit فإذا وجبت en parlant de Ibil, lorsqu'elle tombe يعني sur son flanc, فكلوا منها يعني manger de cette viande là, فإذا il a dit Allah عز وجل فإذا وجبت جنوبها, et lorsque le flanc de l'Ibil il tombe au sol. Et Nabi صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه lorsqu'il a évoqué la profondeur de l'enfer, il a évoqué Abu Huraira, ils étaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Issami'ana wajbatan » lorsqu'on a entendu « wajbatan » et une chose qui est tombée. Il a évoqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'une pièce yani, a été jetée, ou plutôt une pierre a été jetée, et ça fait 70 années qu'elle cesse de descendre en profondeur. Et dit, et maintenant elle est arrivée. Elle a mis 70 ans avant d'arriver au fond de Jahannam. Et lorsqu'elle est arrivée au fond de Jahannam, faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wajabat, et la pierre, elle est arrivée, elle est tombée. Ça, c'est au niveau de quoi? Au niveau du sens linguistique. Wajaba, c'est-à-dire, ça veut dire soit saqata, ou bien soit bartlofik, ou waqa'a. Amma, au niveau du sens, yani shar'i, selon la législation islamique, et le ulama, ils ont évoqué que al-wajib huwa ma amarahu al-shari'. Al-wajib ma amarahu al-shari' amran laziman. C'est l'obligation que se doit chaque musulman de faire. Et lorsqu'il dit al-amr lazim, c'est celui qui a été ordonné par un ordre qui est ferme. Ma amarahu al-shari' amran laziman. C'est la chose dont le shara', l'islam nous a demandé d'accomplir, et cela par un ordre qui est ferme. Parce qu'il y a un ordre qui est quoi? Qui n'est pas ferme. C'est pour le mustahab, c'est ce qui est dit recommandation. Donc il y a une différence entre la recommandation et celle qu'on dit un ordre ferme. L'ordre qui est ferme, son jugement, c'est-à-dire que celui qui le fait, كما قال العلماء, يثاب فاعله امتثالا. Celui qui le fait par soumission, et on dit bien par soumission, c'est-à-dire qu'il sait que cette obligation-là, il doit la faire. Celui qui fait par soumission, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le récompenser. Kama qalu, yuthabu fa'iluhu imtithalan. Celui qui le fait, il sera récompensé, si jamais il le fait par soumission. C'est pour extraire celui qui le font par contrainte, tamam, qui le font pas par sincérité. Celui qui fait une chose comme les munafiqs, ils priaient, lakin leur prière n'était pas sincère. Est-ce qu'ils auront une récompense? Ils n'auront pas de récompense. Pourquoi ils ne l'ont pas fait par soumission? Ils l'ont fait par contrainte, ils l'ont fait par peur d'être tués, la khiri. Et ils disent les ulama, وَقَدْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ, et celui qui le délaisse, il est sous la menace, يعني يوم القيامة, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le châtier ou il peut le pardonner, كما في قال subhanahu wa ta'ala وَيَغْفِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on ne pardonne pas qu'on lui associe, lakin il pardonne à qui il veut en dehors de cela, en dehors du shirk, c'est-à-dire qu'il est sous la volonté d'Allah, تحت المشية. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا هو الواجب. يعني في الشرع سسولد الله عز وجل وبين الخفت صلى الله عليه وسلم ils ont ordonné de faire. Ils ont ordonné de faire, et cela par un ordre qui est ferme, c'est-à-dire que si tu le fais par soumission, tu es récompensé, et si tu le fais pas, ou si la personne ne le fait pas, il est sous la menace. Et quand on dit il fait pas, ça dépend. Si jamais il délaisse cette chose-là, c'est-à-dire cette obligation, et cette obligation-là c'est un pilier de l'islam, s'il le délaisse, il y en a comme as-salah, ben là c'est le khuruj min al-islam, c'est-à-dire que là, s'il meurt sur cette situation-là, il n'est pas sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire que là, il mourrait comme un mécréant. Naam. Fahada huwa al-wajib. Lorsqu'il dit al-wajibat, c'est-à-dire que là, on va prendre des choses qui nous sont obligatoires de faire et qu'on ne peut pas délaisser. Ces choses-là qui sont évoquées dans ce livre-là, elles sont obligatoires pour chaque musulman ou musulman, c'est-à-dire que c'est un fard qui aïe, yani une obligation à l'individu, comme ils disent. Pour l'individu. C'est pas comme مثلاً, salat al-janaza, qu'on appelle fard kifaya. C'est-à-dire que si une partie des musulmans le font, c'est-à-dire que l'obligation, ou plutôt le péché, sera levé sur la totalité des musulmans. Amma hada, yani at-tawhid, Tu ne peux pas le délaisser, tu dis mon frère va apprendre le tawhid, ou bien certains des musulmans ont appris le tawhid, donc c'est bon. Je suis sorti de cet engagement-là, plutôt de cette obligation-là. Là. C'est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulman. Et on va voir qu'est-ce qui est voulu par musulman et musulman. Al-mutahattimat, c'est un peu un synonyme de l'wajibat. Comme c'est une chose qui est lazim, dont ça a été ordonné fermement. C'est un peu un synonyme, c'est la même chose. Al-mutahattimat bimarna al-lazimat. Al-wajibat al-lazimat, c'est une chose qui est incombe à toi de faire. Qala al-ma'rifa, c'est les choses qu'on doit connaître. Ces obligations-là, on doit les connaître. Wa qala hahuna al-ma'rifa. Il faut savoir que al-ma'rifa, dans Fichara, ça peut être, comment s'appelle, une chose dont on doit connaître avec certitude, qui ne doit pas avoir un degré de chèque. Et ça peut être une chose dans laquelle il y a une présomption. Il y a une forte présomption. Comme ils disent, ghalabat adh-dhann. Lakin huna al-murad bil ma'rifa, ce qui est voulu bil ma'rifa, ce n'est pas la présomption, parce que là, c'est des usul ad-din. Et usul ad-din, ils n'acceptent pas la présomption, ghalabat adh-dhann. C'est-à-dire que dire, mathalan, je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms, mathalan. Un musulman ne peut pas se permettre de dire ça. Il doit dire, je suis sûr, j'ai la certitude, tu vois, qu'Allah Azza wa Jal est le plus bon. J'ai la certitude que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a été envoyé pour al-jinn wal-ins. Il ne peut pas dire, je pense. C'est-à-dire que ces choses-là, al-ma'rifa huna, bi-ma'na al-yaqin, la chose qui est, dont on doit avoir une certitude. Et cette certitude-là, ce n'est pas seulement une science. C'est-à-dire que c'est une science qui appelle à œuvrer. Parce qu'il est venu dans le hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh al Yaman, فقال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فإذا أتيت إليهم فأمرهم بالتوحيد. Ordonne-les d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال فإذا عرفوا الله. Lorsqu'ils auront connu Allah. الآن المشرك si jamais tu demandes qui est Allah, il va te dire, qui est le créateur, il va te dire c'est Allah. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. Lakin on a lahif, observe, comme il a dit le prophète sallam, il a dit, ordonne-les d'adorer Allah Azza wa Jal, en toute exclusivité. Si jamais ils connaissent Allah, c'est-à-dire que si jamais ils font cela. Donc là, ils disent les ulama que la ma'rif à la connaissance, c'est pas seulement la science dans laquelle qui est dépourvue de ramel d'œuvre. La ma'rif, la vraie ma'rif, c'est la science qui donne fruit à des œuvres. C'est pour ça qu'il a dit le Nabi sallam, fa'idha arafullah, lorsqu'ils auront connu Allah, c'est-à-dire lorsqu'ils auront unifié Allah Azza wa Jal, et qu'ils auront mis en pratique le tawhid, c'est-à-dire ils l'adorent. Et ce n'est pas seulement le fait de connaître qu'Allah Azza wa Jal, il est fawqa samawat. Il y a des œuvres qui en découlent de cette connaissance-là. Donc al-ma'rifa, c'est-à-dire avoir la certitude, et cette certitude-là a un fruit qui est quoi ? Al-amal. Et il faut qu'il ait une barthlofikum an-iqrar, c'est-à-dire une forte conviction dans le cœur. Et ça c'est l'inverse de al-nifaq. Il y a des choses, des personnes qui disent des choses, il y en a par la langue, lakin qui ne le pense pas par le cœur. Al-yaqin huna al-ma'rifa, c'est celle qui est, lorsqu'il dit une chose, cette chose-là aussi, il la trouve dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a un iqrar, bil-qalb, bi-khilaf al-nifaq. Al-munafiqun yaqulun, nashhadu innaka rasulullah, kama qala subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, wallahu yashhadu innal munafiqin lakadhibun. Ils ont dit, bil-lisan, ils ont attesté de. Ils ont témoigné de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un messager. Lakin, Allah Azza wa Jal, il les a démentis. Il a dit, ceux-là, ils disent une chose par la langue. Mais ils ne le disent pas par le cœur. Walakin al-munafiqin, la kadhibun, c'est des menteurs. Fa, al-yaqin huna, c'est celle qui va donner, nature à une œuvre. Et il faut que cette œuvre-là, elle est basée sur une certitude au niveau du cœur, une conviction. Al-iqrar, comme qala al-ulama. Wa kadhalika al-tasdiq, bil-lisan. Son cœur, il approuve, et l'islam kadalika, il approuve. Al-tasdiq, c'est l'inverse de al-juhud. Le pharaon, il avait un iqrar, il avait une conviction dans le cœur. Lakin, cette conviction-là, il n'a pas laissé traverser sa langue. Lorsque il a prétendu que c'était lui al-ilah, il a prétendu que c'est lui al-rab. Ana rabbukum al-a'la ila akhirih. Lakin, lorsque Allah Azza wa Jal, il a noyé, il a attesté cette fois-ci bil lisan qala falam adraka al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin. Là, il n'avait plus de duhud. Lorsqu'il a vu que la mort, elle était proche, il a laissé apparaître ce qu'il y avait dans son cœur. Lakin, ça n'a pas été bénéfique pour lui. Fal khulasa huna bil ma'rifa, il faut que ce soit bil yaqin, avec une certitude. Et ces certitudes-là, est-ce que c'est une simple connaissance? Non. Il faut que ces certitudes-là donnent naissance à des œuvres. Et ces œuvres-là, il faut qu'elles soient basées sur le tasdiq, la sincérité et les bonnes convictions dans le cœur. Ça, c'est quoi? Al-ma'rifa, c'est-à-dire al-yaqin wal-amal, al-iqrar wal-tasdiq. Naham. Wa qala huna, ala kulli muslim wa muslima. Al-muslim wa muslima, ce qui est voulu bil muslim wa muslima chez les fuqaha, c'est celui qui est baligh, celui qui atteint l'âge de la puberté, comme ils disent. Tout en sachant que l'âge de la puberté dans l'islam, c'est pas celui qui est évoqué en chez le doual al-kufar, 18 ans. Il y a, pour atteindre le boulour, c'est-à-dire la puberté, dans l'islam, il y a plusieurs signes. Un des signes, c'est que Bartlofik, comment on dit ça, je crois qu'ils appellent ça les poils du pubis, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ma'ruf al-hana, yani les poils qui poussent autour comment ça s'appelle, du sexe. À partir du moment que ces poils-là ils ont apparu, ça c'est un signe qui montre que cette personne-là, elle est devenue baligh. Ça montre que cette personne-là est devenue baligh. Il y a un hadith dans cela qui montre que ça fait partie de cela. Et qu'à des cas, si jamais, yahtalim, c'est-à-dire qu'à partir du moment que al-ma yakhruj, c'est-à-dire que lorsque cette personne-là a du spermatozoïde, c'est-à-dire que pour la femme et l'homme, ces deux signes-là, ça montre qu'il est devenu pubère. C'est-à-dire que là, il a atteint l'âge où les ordres et les interdits lui sont obligatoires. À partir de ce moment-là, si jamais il ne fait pas une obligation, ou bien s'il fait une interdiction, il aura un péché. En dehors de cela, il ne rentre pas dans le péché, à partir du moment qu'il est pubère. Et qu'à les cas, pour la femme, à partir du moment qu'elle a ses règles, ça c'est un signe qui est propre aux femmes, à partir du moment qu'elle a ses règles, donc là, Kazalika, c'est un signe qui montre qu'elle est devenue pubère. Et aussi, une dernière halama, ils ont dit, à partir du moment où ils ne voient pas l'un de ces trois signes, c'est-à-dire la bratlofi, que les poils autour du sexe, ils ont poussé, ou bien qu'il n'y a pas de spermatozoïdes, ou bien que la femme n'a pas ses menstrues, si jamais il atteint l'âge de 15 ans, à partir de l'âge de 15 ans, s'il n'a pas vu ces signes-là, eh bien, il est considéré, Kazalika, pourquoi? Comme un baligh. Comme une personne qui est pubère, c'est-à-dire une personne dont les obligations et les ordres lui sont avisés. Et il ne peut pas s'en échapper, il est obligé de les faire à partir de 15 ans si jamais il ne voit pas ces signes-là. Ça, c'est le musulman ou le musulman lorsqu'il évolue. C'est-à-dire que c'est eux, Yanni, à qui il est obligé de remplir ses ordres et de s'écarter de ses interdictions. Et Kazadeka, Yanni, ce qui est évoqué dans Al-Muslim, c'est celui qui est aqil, celui qui a toute sa raison. Ama celui qui est possédé, ou bien celui qui est mashour, fahada la yatrou le fi. Léanna, afin que yakoum bil wajib, afin qu'il accomplisse le wajib, ou qu'il s'écarte de l'interdiction, il faut qu'il ait une compréhension, il faut qu'il ait la raison. S'il ne comprend pas, il y a ce qui lui a avisé, il ne peut pas l'appliquer. C'est-à-dire que la personne qui sont majnoun, ou ceux qui sont bortlofi, qui sont mashour, ils ont évoqué celui qui est un peu triso. Yanni, il est trisomique, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il lui a visé. C'est un peu comme un mejnoun, Yanni. Il est entre les deux. Entre la personne qui a la raison et la personne qui n'a pas la raison. Ces personnes-là, ils ne sont pas avisés. Ces personnes-là, ils sont excusés. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Rufi al-qalam an thalath, wa al-majnoun hatta yafiq. » Le posséder jusqu'à ce que là, Yanni, il retrouve Yanni son esprit. Fa hadha huwa al-muslim. C'est celui qui a toute sa raison et c'est lui qui est pubère. À partir de ce moment-là, toutes les interdictions et tous les obligations lui sont avisées. Lorsqu'on dit cela, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre, Yanni, que la personne elle atteint l'âge de la puberté avant de lui apprendre ces choses-là, avant de lui donner ces enseignements-là. Yanni, la personne va dire, il n'est pas pubère, donc j'attends lorsque un des signes de la puberté Yanni, fasse apparition pour que je lui apprenne le tawhid. Pourquoi? Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué fi hadith Muawiya ibn Hayda. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعة وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. النبي صلى الله عليه وسلم dit ordonnez à vos enfants de prier lorsqu'ils ont atteint l'âge, lorsqu'ils ont 7 ans, et frappez-les si jamais ils ne prient pas lorsqu'ils ont atteint l'âge de 10 ans. Tout en sachant que le tawhid est le plus important que la prière. ben, il n'y a pas de prière sans tawhid. Donc ça veut dire que les parents ou bien les professeurs se doivent en premier lieu de enseigner ce grand précepte qui est tawhid et de ne pas attendre l'âge de la puberté. À partir du moment où il comprend, et ça différencie d'un enfant à un autre. À partir du moment qu'il commence à bien comprendre les choses, il arrive à distinguer les choses, il comprend ce que tu lui dis, donc là tu dois lui apprendre le tawhid. Il ne faut pas y perdre le temps et attendre la puberté. Là, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux gens, aux parents, d'apprendre la prière et de leur ordonner la prière lorsqu'ils ont atteint l'âge de 7 ans, donc c'est-à-dire tawhid min bab awla, puisqu'on a été créé pour cela. Donc ça, c'est un tanbih. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre la puberté. Là, il faut s'empresser d'enseigner cela à nos enfants. Parce que c'est des choses qui sont très importantes et qui vont être nécessaires pour lui. Fima ba'd. فقال هنا رحمه الله مباشرة فقال الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. فparmi les choses qui sont wajib, mutahattim, dont on se doit de connaître et dont Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné de connaître d'un ordre qui est ferme, qui a visé à chaque muslim et muslima, de connaître trois bases. قال الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها باليقين. Et il faut qu'il œuvre lorsqu'il a compris ces choses-là. Donc on va prendre الآن الأصول. Savoir, yani, qu'est-ce que الأصل. Déjà, لغتين et كذلك شرعان. Point de vue linguistique et au point de vue religieux. فالأصول, c'est le جمع, c'est le pluriel de أصل. والأصل, c'est la fondation, c'est une chose, yani, الذي يبنى عليه. الأصل هو الذي يبنى عليه كالقاعدة. C'est la chose dans laquelle c'est une base, c'est une fondation sur laquelle on base. Ça, c'est biyesh. Fil lugha al arabiyya. Amma fi shar'a, lorsqu'on parle de asl, il faut savoir que ça a plusieurs sens. Il peut être voulu dans asl al masail wal adilla allati hiya zahira. C'est-à-dire les sujets et les preuves dont les sujets dont les preuves sont zahira. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas ambiguës. Des preuves qui sont claires, nettes et précises. À partir du moment que c'est wadih jiddan, ça peut rentrer dans quoi? Dans l'usul. C'est-à-dire que ça fait partie des bases de la religion. Pourquoi? Parce que c'est wadih. Il n'y a personne qui ignore ce genre de choses-là. Mathalan, si jamais tu demandes à une personne, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ, qu'est-ce que ça veut dire? Allah est unique. Le verset, il est wadih. Il n'y a personne qui a besoin d'aller regarder dans Tafsir ibn Kathir ou bien dans Tafsir al-Tabari pour savoir l'explication de ce verset-là. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ, ça c'est un verset qui est quoi? Qui est wadih, qui est muhkam, qui n'a pas d'ambiguïté. Donc ça fait partie des usul. كذلك من الأصول الأشياء qui sont quoi? متواترة. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement propagés que c'est impossible qu'on dise yani, que c'est un mensonge ou que ça a été forgé. Comme مثلاً القرآن. القرآن يعني روايتها للمتواترة. C'est-à-dire que la version yani, ce qu'on a, les versions qu'on a du Coran sont des choses dont on n'a même pas besoin de chaîne de transmission. C'est tellement connu et ça a été tellement propagé que cette parole-là, c'est la parole d'Allah Azzawajal, qu'on n'a pas besoin de quoi? De regarder dans les chaînes de transmission, est-ce que ça appartient à Allah ou pas, cette parole-là ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mutawatir, c'est les choses qui ont été transmises d'une manière qu'on ne peut pas se permettre de dire que ces choses-là, elles ont été forgées, c'est un mensonge. Donc tout ce qui est mutawatir, lorsqu'ils évoquent le ulama, مثلاً al-adil al-mutawatirah, comme مثلاً le fait que les musulmans vont voir Allah Azzawajal, yawm al-qiyamah, ils vont dire le hadith de cette mas'ala-là, de ce sujet-là, il est mutawatir. C'est-à-dire qu'il a été tellement propagé qu'on n'a même plus besoin maintenant d'évoquer les chaînes de transmission. C'est tellement connu ce sujet-là qu'on n'a même plus besoin de quoi? D'évoquer les chaînes de transmission. Donc ça fait partie de quoi? Des usul. Wa kadhalika al-ashya al-mujma 'alayha. Les ashya, les choses dans lesquelles il y a une unanimité auprès des ulama. Et on dit bien auprès des ulama parce que l'unanimité dans l'islam se fait yani, par rapport à la compréhension des ulama. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le murad, yani, ce qui est voulu ici, la communauté, c'est la communauté des ulama. Parce que l'imam Ibn Abdul Barr, il évoque dans son kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih que l'ijma' qui est reconnu, qui est considéré, c'est l'ijma' des ulama. Amma al-juhal, les ignorants et les autres, leur point de vue, il n'est pas considéré, excepté dans les choses qui sont connues, dont on n'a pas besoin de science, comme le fait que la prière On n'a pas besoin d'être un savant pour savoir cela. Même les kuffars, ils savent que la prière est obligatoire. Ça fait partie de quoi? Aussi des usul. Ou bien ils disent les ulama, al-ashiyalati lam tunsakh. Lorsqu'ils parlent d'asl, il y en a d'une base, d'un fondement, ça peut aussi rentrer dedans les choses dont, qui n'ont pas été tunsakh, comme ils disent ça déjà, abolies. Des choses qui n'ont jamais été abolies et que tu trouves dans chacune des millènes, dans chacune des religions. Maintenant, al-kadib. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le kadib, que ce soit dans le Torah, que ce soit dans l'Injil, que ce soit dans le Zabur, que ce soit dans Suhuf Ibrahim, dans tous les livres qu'Allah Azzawajal il a descendu, il a évoqué l'interdiction du kadib. Et dans tous les livres dont Allah Azzawajal il a descendu, il a évoqué l'obligation du tawhid. Donc ça, ce sont des choses qui n'ont pas subi d'abolition, qui sont pas mansour, qui sont muhkam. Donc l'asl, yani hadha huwa al-murad, lakin huna yurid bi dhalika qawa'id ad-din. C'est-à-dire les bases de la religion dans lesquelles qui ne tawhid, c'est clair et net qu'il n'y a aucune des choses qui a été abolie. Et ce sont des choses qui sont quoi? Muttafaqun alayhi bayna al-ulama. Dont les ulama sont tous unanimes. Et ce sont des masa'il dans lesquels les adillah sont zahira, qui sont, il y en a pour la plupart, qui ne sont pas sujets à ambiguïté, et qui sont mutawatira aussi, qui ont été beaucoup propagés. Donc al-asl, il y en a, ça rejoint ces marna-là qui ont été évoqués. Wa huna qala al-usul al-salasa. Laisse un marna, zalika, que les fondations et les fondements dans l'islam sont au nombre de trois. La Kinal'an, il nous évoquait trois choses qui sont importantes à connaître, et yani, à la kulli muslim wa muslima. Et pourquoi il a évoqué trois choses? Parce que ça a été évoqué dans le hadith al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, que al-insan idha mata, wudaha fil qabr, jalahu malakan. Il y a deux anges qui viennent, munkar wa nakir. Ou yas'alani an rabbihi, wa an dinihi, wa an nabiyihi. Ils vont lui poser des questions sur trois choses. Sur la connaissance de son Seigneur, de sa religion et de celui qui a été envoyé pour lui faire comprendre cette religion-là qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ça a été appelé al-usul al-thalatha. Parce que connaître Allah azzawajal, c'est un fondement. Connaître sa religion, kazalika, c'est un fondement. Et connaître celui qui a été envoyé pour nous expliquer ce message-là, kazalika, c'est un fondement. C'est pour ça qu'elles ont été appelées al-usul al-thalatha. Et elles sont importantes, pourquoi? Parce que cette personne-là va être questionnée autour de ces trois sujets-là, yawm al-qiyama, fi qabrihi. Il va être questionné sur ces choses-là, yawm al-qiyama. Donc ça nous montre, yani, l'importance. Parce que l'insan, yani, il a été, comment ça s'appelle, créé afin qu'il adore Allah Azza wa Jal. Et cette adoration-là, elle a une fin, elle a une limite, c'est lorsqu'il va mourir. Ou bien, si jamais il fait partie des gens, fi akhir al-zaman, lorsque taqoum al-sa'a. Fa'bada zalika, il devra rendre des comptes sur ce qu'il a fait fi dunya. L'insan n'a pas été créé en vain, sans aucune raison. Donc il sera obligé de rendre compte et de répondre à certaines de ces questions-là. Et il faut savoir que c'est usul al-salasa, c'est pas tout le monde. C'est pas toute personne qui va être questionnée sur ces choses-là. Al-anbiya, la shak wa la raib fi, ils vont pas être questionnés sur ces choses-là. Ma'rifatu Rabb, wa ma'rifatu din, wa ma'rifatu nabiyyihi. Il va pas être questionné sur lui-même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fal-anbiya, ils sont pas questionnés sur ces trois fondements-là. Kazalika, al-shuhada, ceux qui sont morts martyrs. Ceux qui sont morts martyrs, kazalika, ha'ula. Ils ne seront pas questionnés au sujet de ces trois fondements-là. Kama ja'a fil hadith, fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kafa bi bariqati as-sayf ala ru'usihim fitna. Yani le fait qu'il a combattu fi sabilillah, yani sincèrement, on parle pour ceux qui ont fait ça sincèrement, et ça on le sait, il n'y a que Allah Azzawajal qui le sait, ou bien les personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils ont fait le jihad, yani sincèrement. Amma, ce qu'on entend maintenant, lorsqu'il y a une manifestation, une personne qui meurt, et c'est un shahid, c'est un martyr, ceci, cela, bon déjà il sort, yani bi marsiya, tu vois, donc comment il va être martyr, yani il n'est pas sorti pour la cause d'Allah Azzawajal. Au contraire, il est sorti dans les choses qui sont au contraire de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le martyr, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a accepté qu'il est martyr. C'est pour ça qu'on dit, on espère qu'il est mort en martyr. Lakin, ceux qui sont auprès d'Allah des martyrs, eux, kadhalika, ils ne sont pas questionnés. Parce que le simple fait qu'ils ont combattu sincèrement et qu'ils ont eu le courage, yani, comme elle a été évoquée dans le hadith, d'être confronté, yani, au safe, c'est-à-dire qu'il voit la mort devant lui et malgré cela, yani, il ne retombe pas sur ses talons. Ça, ça montre qu'il y a une sincérité dans son islam. Donc, cette sincérité-là a suffi. Et par rapport à cela, il ne sera pas questionné. Parce que cette sincérité-là qu'il a eue dans le combat, Dama, elle le suffit. Elle le suffit, il n'a pas besoin d'être questionné. Parce que le fait d'être questionné, c'est une fitna. C'est une fitna, c'est une tentation, c'est une épreuve. Et cette épreuve-là qui est le djihad, c'est une épreuve qui est suffisante et dont il n'a pas besoin d'être questionné. Et kadhalik, ceux qui ne sont pas questionnés, c'est-à-dire ceux qui montent la garde pour les musulmans. Ceux qui montent la garde pour les musulmans, ceux qui sont en premier rang et qui montent la garde. Entre eux et l'ennemi, il y a un mur. C'est eux qui montent la garde sur les musulmans. S'ils meurent, il y en a pendant cette garde-là. Kadhalik, s'il a fait ça sincèrement pour Allah Azza wa Jal, il ne sera pas questionné autour de ces trois choses-là, comme il est venu dans le hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله يعني chaque personne va mourir يعني lorsqu'il va mourir ses œuvres vont être interrompues قال إلا المرابط في سبيل الله et que c'était celui qui a remonté la guerre dans le sentier d'Allah سبحانه وتعالى قال فإنه يمنى له عمله إلى يوم القيامة ses œuvres ne vont cesser de se décupler et ils vont continuer. قال ويؤمن فتنة القبر. Il sera épargné de fitnat al-qabr, c'est-à-dire il sera épargné de l'épreuve, c'est-à-dire d'être questionné. فالمرابط في سبيل الله, celui qui monte la garde في سبيل الله, sincèrement pour Allah Azza wa Jalla, et s'il meurt en étant murabit, en étant yani gardien, fait cette personne-là kadhalika, elle n'est pas questionnée. واختلف العلماء في الصديقون. الصديقون, est-ce qu'ils sont questionnés ou pas? هؤلاء اختلفوا أما الأنبياء وكذلك الشهداء والمرابطون. Seuls les ulama sont tous unanimes par rapport à cela. Lakin as-siddiqun. As-siddiqun, est-ce qu'ils vont questionner par rapport à ces usul al-thalatha as-sahih comme il a évoqué Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, que ces personnes-là ne vont pas être questionnées comme fi sharh al-wasitiyya. Wa istadalla bidhalika biqul la subhanahu wa ta'ala ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالشيخ العثيمي رحمه الله تعالى évoqué dans cette ayah, يعني celui qui obéit à Allah Azza wa Jalla sera avec les anbiya, avec les sincères, les martyrs et les pieux. Il a évoqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué as-siddiqun, les sincères, avant les martyrs. Et il dit, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Le fait qu'il a fait précéder le siddiqun au shuhada, ça montre qu'il y en a qui sont plus élevés auprès d'Allah Azza wa Jal. La martaba, le rang de siddiq, c'est plus élevé que le rang de al-martir al-shahid, fi sabilillah. Wa istadalla kadhalika bi hadith alladhi lamma kana nabi sallallahu alayhi wa sallam ala Uhud. Wa ihtazza Uhud, elle s'est mise à trembler. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ihda ya Uhud. يعني reste calme. فقال إنما عليك نبي والصديق وشاهدا. Il y a au-dessus de toi un prophète, un sincère et deux martyrs. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Umar et Uthman رضي الله عنهم. فالنبي c'est Muhammad يعني. والصديق c'est qui? C'est Abu Bakr رضي الله عنهم. قال والشاهدان qui sont Umar et Uthman رضي الله عنهما. Et il est connu que Abu Bakr, radiallahu anhu, il est plus élevé auprès d'Allah Azza wa Jal que Umar, radiallahu anhu. Afdal al-Sahaba, c'est Abu Bakr. Afdal al-Sahaba, c'est Abu Bakr. Il a été, yani, luqiba bi as-siddiq. Donc ça montre que si jamais c'est le meilleur des compagnons, et que son surnom c'est as-siddiq, ça montre que ce niveau-là, cette martaba qui est siddiqiya, elle est beaucoup plus élevée. Donc si jamais les siddiqs ils sont beaucoup plus élevés que les martyrs, min bab awla, ils sont plus à même à ne pas être questionnés fi al-qabr. Fa hadha huwa as-sahih. Donc c'est usul al-thalatha allati yajib 'ala kulli muslim wa muslima ma'rifatuha. On doit tous les connaître, qu'on soit martyr, qu'on soit ila akhirih, on doit tous les connaître. Lakin, est-ce que c'est tout le monde qui sera questionné? Il y en a sur ces choses-là yawm al-qiyamah là. Lakin fi ad-dunya on doit tous les connaître. Lakin yawm al-qiyamah, est-ce que tout le monde sera questionné par rapport à cela là? Fa Aula, ceux qu'on a évoqués, les quatre, les Anbiya, As-Siddiqun, As-Shuhada, Wal-Murabitun, ils ne sont pas questionnés. Naam. Faqala huna, rahimahullah, qala, وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc il y a ces trois bases là, al-usul al-salafa yad allati tajib ويجب عليكم المسلم ومسلم ومسلم معرفتها, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a évoqué ici, t'as la connaissance, t'as c'est la certitude. Comme tu ne peux pas dire je pense qu'Allah est présent, je pense qu'Allah est dans les cieux, ça n'existe pas ce genre de parole-là. Cette parole-là, elle n'est pas profitable pour le musulman. Il y en a celui qui prétend, qui dit je pense que Allah azawajal est dans les cieux, ça c'est du kufr. Il est sûr d'avoir la certitude après que la preuve lui est parvenue. فَمَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبِّهِ, il doit la connaître avec certitude, comme on a dit. Et cette certitude-là, elle donne fruit à des œuvres. Celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur en châtiment. Quel est le fruit? Cette connaissance-là va donner, naissance à quel fruit? Le fruit d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait qu'Allah azawajal, il est shadid al-intiqam, ou shadid al-iqab, qu'il est dur en châtiment, dur en punition, ça va lui être profitable dans le sens où il va s'écarter des péchés. Parce qu'il sait qu'Allah azawajal, il est dur en châtiment. Et s'il ne le pardonne pas, il va être durement châtié, cette personne-là. Donc cette connaissance-là, elle a quoi? Elle a un fruit, qui est la peur, hein, par rapport à cet exemple-là. Donc, ce n'est pas une simple connaissance. Oui, là, il n'y a pas de différence entre nous et les kuffar Quraysh. Si on leur demande qui est leur créateur, ils vont dire c'est Allah. Lakin, cette connaissance-là, elle n'a pas donné des fruits à cette personne-là. Parce qu'ils n'ont pas adoré Allah. Si tu sais qu'Allah, c'est ton créateur, tu dois l'adorer. Ya yuhannas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous les humains, adorez votre créateur, adorez celui qui vous a créé. Donc si jamais tu sais que c'est Allah qui t'a créé, tu dois l'adorer. Amma eux, ils l'ont pas adoré. Donc cette connaissance-là, elle est bâtée, elle est vaine. Elle sert à rien pour ces personnes-là. Donc la connaissance d'Allah, c'est kadhalika, mettre en pratique cette connaissance-là. Certains des shurah, de ceux qui ont expliqué usul al-salafa, ils ont dit pourquoi ça n'a pas été dit ma'rifatul abd, yani Allah. Pourquoi ça n'a pas été évoqué Allah au lieu de Rabbahu? Certains ils ont vécu parce que Arab, la seigneurie d'Allah Azzawajal, il y a peu de personnes qui l'ont démenti. Amma al-uluhiyya, le fait qu'Allah Azzawajal mérite l'adoration, ça c'est kathir min al-nas qui l'ont démenti et ne l'ont pas mis en pratique. Donc là c'est comme si jamais c'était dit, tu dois connaître celui dont tu as la certitude qu'il est ton Seigneur. Amma si jamais ça aurait été dit, tu dois connaître celui dont tu dois adorer. Il y a des personnes qui prétendent qu'Allah ne mérite pas l'adoration. C'est pour ça qu'ils ont dit Rabbahu, parce que le kafir et le muslim, ils sont tous d'accord sur la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah le créateur, c'est Allah qui donne vie, c'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui donne la subsistance. Ils sont tous d'accord par rapport à cela. Donc c'est comme si on s'était dit, à partir du moment que tu es d'accord qu'Allah azawajal, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la subsistance et tout ça, tu dois le connaître. Et parmi ces connaissances-là, le fait de l'adorer. Ça c'est ce qu'ils ont évoqué, wallahu a'lam. Wa ma'rifatu rabb, al-'abd rabbahu, ça c'est la ghaya. C'est-à-dire c'est l'objectif. Et ma'rifatu din, ça c'est quoi? Al-wasila, c'est l'intermédiaire. L'intermédiaire qui va nous permettre de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Wa din huna al-murad bi dhalika din al-islam. Laysa din yani kull al-adyan. On ne doit pas regarder dans le Torah, dans l'Injil et dans les kutub qui sont sabiqa, parce qu'ils sont tous abolis. On doit prendre la parole d'Allah azawajal qui a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on doit connaître l'islam. Wa kama qala al-shaykh al-Najmi, al-shaykh al-imam shaykh al-islam al-Najdi rahimahullah Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qala bil adilla. Connaître son din, pas bil jahl, pas par l'ignorance, lakin bil adilla. Et c'est quoi le dalil? Al-dalil c'est qala Allah qala Rasul wa qala as-sahaba, c'est ça le dalil. Kama qala ibn Qayyim rahimahullah, qala al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahaba. La science, c'est de dire Allah a dit, c'est de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est de dire les compagnons ont dit. C'est-à-dire le kitab, la sunna et l'ijma'. Ça c'est l'adilla. Donc le din, on doit les connaître par ces trois bases-là qui sont quoi? Le kitab, la sunna et kazalika al-ijma' min as-sahaba wa ghayrihim. Fad-din huwa din al-islam. Inna ad-din 'inda Allah al-islam kama qala subhanahu wa ta'ala wa qala jalla wa 'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée, il sera parmi les perdants yawm al-qiyamah. Donc le din huna c'est quoi? Din al-islam. Donc on ne doit pas rechercher la connaissance d'Allah Azzawajal dans d'autres livres qui sont At-Tawrah ou l'Injil, car ils ont tous été abolis. Ils ne sont plus considérés comme parole d'Allah Azzawajal parce qu'il y a eu un tabdil, ils ont fait des modifications. Et cette connaissance de cette religion-là, elle ne peut pas se faire rien toute seule. Il faut que tu aies un professeur, il faut que tu aies un muallim. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il ne s'est pas suffi de descendre le Al-Qur'an faqat et de le distribuer à chaque musulman. Parce que Al-An, il faut qu'ils connaissent cette religion-là, lakin, comme Allah Azzawajal, il agrée. Et non pas par chacun amène son point de vue. Donc, yani, on doit avoir une conformité selon la compréhension de l'islam. Et cette conformité-là, elle passe par le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que c'est le troisième fondement. C'est l'intermédiaire qui nous permet de comprendre le din. Celui qui va nous ramener et nous donner l'accès au paradis, à Allah subhanahu wa ta'ala. Fazalika jabi ma'rifatu nabiyyihi Muhammad. Ma'rifatu nabiyyihi Muhammad, son rôle, c'est de nous faire comprendre l'islam comme Allah azzawajal il agrée. Et ainsi de suite, c'est-à-dire il a enseigné cela aux sahaba, et les sahaba ont enseigné cela aux tabi'in, ou aux tabi'in, et à atba'i tabi'in. Donc ça nous montre, il y en a une chose qui est quoi? C'est que l'insan, il ne peut pas, la yistaqil bi nafsi, il ne peut pas apprendre de lui-même. Il faut qu'il a une personne qui l'enseigne. Comme les sahaba. Les sahaba, ils ont appris l'islam bin Nabi sallam. Ou le Nabi sallam istafada le Coran bi Jibril. Jibril est venu, wa kana yu'allimhum Coran, comme fi hadith Ibn Abbas, عند l'imam al-Bukhari. Ça nous montre que cet islam-là, qui nous permet de comprendre Allah Azza wa Jal, avec la connaissance du prophète sallam, ça nous montre qu'il faut qu'on ait des professeurs. Il faut qu'on ait des personnes qui nous donnent des bases. C'est-à-dire que c'est pas à l'azim que tu es un professeur jusqu'à ce que tu meurs. Mais à partir du moment que tu as pris les bases qui te permettent d'être, comme ils disent, mujtahid, indépendant, là, alhamdoulilah, toi aussi tu vas te devenir yani muallim. Lakin, avant de devenir muallim, il faut que tu apprennes. Kama qala Ibn Mas'ud radiallahu anhu, fa qala ayyuha an-nas ta'allamu fa innahu la yulad rajulun 'alima. Ô vous les gens, apprenez, parce qu'il n'y a personne qui naît avec la science. قال رحمه الله قال فإن قيل لك من ربك qui est celui qui est ton seigneur والرب هو المربي c'est celui qui est يعني qui éduque on va dire comme ça يعني comme disent les ulama فالله سبحانه وتعالى يربينا التربية الدنيوية وكذلك الأخروية فالله سبحانه وتعالى nous apprend comment rester en vie dans cette dunya. L'insan يعني lorsqu'il sort du ventre de sa mère il n'a aucune science, aucune connaissance, lakin il sait que pour survivre, il doit têter. Cette connaissance-là, cette marifa-là, cette connaissance-là, d'où il l'a prise? Il a lui, elle ne sert à rien. C'est ce qu'il lui parle, il ne comprend pas. Il a Kazalik, elle l'a vu, Lakin l'a vu. Elle ne lui sert à rien. Parce qu'il ne comprend pas avec la vue. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a mis la connaissance que pour vivre, s'il veut continuer à vivre, il faut qu'il tête. Kazalik, lorsque tu vois les bêtes, yani les chèvres, elles donnent naissance, il sait directement qu'il faut qu'il tête. Fait Allah Azza wa Jal, il rabbi al-insan, il lui donne une éducation pour qu'il puisse vivre, il a fait dunya, comment survivre dans cette vie d'ici-bas. Ça fait partie de sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala. Et kazalika yurabbina at-tarbiya al-islamiyya, c'est-à-dire, il nous donne les choses, il nous éduque les choses qui vont nous permettre de vivre dans yawm al-qiyamah. Parce que yawm al-qiyamah, celui qui rentre en enfer, comme a dit subhanahu wa ta'ala, il ne vit pas et il ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas, il ne sera pas apaisé par la mort, il sera châtié. Et il est en vie, mais est-ce qu'il était mal terre, est-ce qu'il est en train de profiter de sa vie là? Il ne profite pas. C'est un mort vivant. Il a mort dans le sens où il ne profite pas de sa vie, et il est vivant parce qu'il se fait châtier. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend les choses par l'intermédiaire de l'islam, afin qu'on ait la vraie vie, yawm al-qiyamah, comme il dit subhanahu wa ta'ala, « Wa inna dar al-akhirata la hiya al-hayawan » La vie de l'au-delà, c'est la véritable vie. C'est-à-dire celle qui n'a pas de fin. Celle dont l'insan y profite pleinement. Mais ici, on profite à moitié ou bien pas pleinement. Il y a des choses dans lesquelles on est privé, lakin, yawm al-qiyamah, on aura le droit de les avoir, comme al-khamr, comme le fait de al-harir, le fait de voir Allah, azza wa jal, énormément de choses, le fait d'avoir des hur, de hur al-ayn, et l'akhiri, al-qusur, wa il-akhiri, on est privé. On est privé en vie, lakin on est privé. Lakin yawm al-qiyamah, on aura la véritable vie, inshallah tabaraka wa ta'ala, si on met en application c'est usul al-thalatha et les obligations qu'Allah azza wa jal nous a ordonné. Qala faqul, si on te demande qui est ton Seigneur, qala faqul rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'matihi. Si on te demande qui est ton Seigneur, tu réponds qu'Allah, c'est Allah mon Seigneur. Parce que le Seigneur, Allah Azzawajal, c'est le, celui qui est le véritable Seigneur, c'est Allah, c'est celui qui mérite d'adorer. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فالرب هو المعبود c'est Allah عز وجل الذي رباني celui qui m'a éduqué comme on a dit l'éducation qui est دنيوية et أخراوية قال ورب جميع العالمين بنعمته pas seulement moi لكن جميع العالمين والعالم c'est الجن والإنس certains ont dit لكن العالم c'est يعني tout ce qui est entre c'est tout ce qui est en dehors d'Allah كما قال الشيخ الإسلام النجدي في الأصول الثلاثة فقال وأنا واحد قال والعالم ما سو... ما دون الله وما سوى الله العالمون ما سوى الله c'est tout ce qui est en dehors d'Allah tout ce qui est en dehors d'Allah on appelle عالمين بنعمته سبحانه وتعالى قال هو معبودي parce que celui qui m'a créé celui qui me donne l'existence celui qui me donne la subsistance celui qui mérite d'être adoré وعبدوا ربكم الذي خلقكم parce qu'en dehors d'Allah عز وجل il y a personne qui donne qui crée c'est pour ça qu'Allah عز وجل il a évoqué cette grande ni'ma qui est la création dans la première révélation qu'il a révélée au prophète sallam. فقال اقرا بسم ربك الذي خلق. Lis au nom de celui qui t'a créé. Certains des ulama ont dit pourquoi il n'a pas dit مثلا الله عز وجل ni lis au nom de celui qui t'a donné la subsistance بسم ربك الذي رزق ou bien au celui qui donne la vie et la mort بسم ربك الذي يحيي ويميت. Pourquoi il a évoqué خلق? قال parce que c'est la création. C'est une ni'ma dont Allah Azzawajal, il est le seul à l'avoir. Personne en dehors d'Allah Azzawajal ne prétend donner la vie à quelqu'un. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a évoqué cette grande ni'ma-là dans laquelle il est le seul, subhanahu wa ta'ala. Yani al-khaliq. Enfin, celui qui il a une conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le khaliq, il doit l'adorer. Celui qui a une conviction qu'Allah Azzawajal est son Seigneur, il doit l'adorer. Naham. Donc, yani le fait de connaître qu'Allah Azzawajal, c'est notre Rabb, ça doit donner naissance et fruit à l'adoration. Comme قال هو قال هو معبودي, c'est celui que je dois adorer. ليس لي معبود سوى. Je n'ai pas d'autre je n'adore pas une autre personne en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Comme je n'ai pas une autre conviction que il y a d'autres créateurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا c'est une chose qui est connue. C'est une chose qui est connue lakin comme on a dit. Il y a une chose qui est connue, laquelle la connaissance, la véritable connaissance, c'est le fait d'appliquer cette connaissance-là. Des gens, tu vas leur demander, et si tu leur dis, Man Rabbuk, quel kuffar, wal-in saltahum, man khalaqahum yaqulun Allah. Enfin, ça, c'est pas une véritable connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en application. Ils n'ont pas mis en application. Donc, c'est une chose qui est simple à dire. Laquelle, l'application, et surtout d'avoir al-thabat, d'avoir al-istimrar, la continuité dans cette connaissance-là. C'est-à-dire par le fait de l'appliquer, ça c'est beaucoup plus dur. Parce que ça demande à tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est une question qui est simple. Lakin, l'application, c'est une autre chose. Naam. Elle est simple aussi, lakin, ça demande à tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc yani, la personne peut se dire, yani, mais ça c'est une chose qui est connue. Lakin, combien de personnes connaissent, lakin ne mettent pas en application. Naam. C'est pour ça qu'on revient sur le hadith, lorsqu'il a dit, yani, fa'amuruhum bit tawhid. أن يوحد الله أردن ليد دادور الله عز وجل إنك من فإذا عرفوا الله et lorsqu'ils auront connu Allah c'est-à-dire lorsqu'ils l'auront adoré ça c'est la véritable connaissance celui qui adore Allah عز وجل il connaît pour ça qu'il dit القاضي عياد رحمه الله تعالى les juifs et les nasara ils ne connaissent pas Allah même si ils savent qu'Allah عز وجل il est dans les cieux le fait qu'ils n'adorent pas Allah عز وجل ils ne le connaissent pas parce que la connaissance c'est le fait de l'adorer نعم قال وإذا قيل لك ما دينك Si on te demande quelle est ta religion, il y a plusieurs religions. La personne peut être perdue, elle ne sait pas. Est-ce qu'il est bouddhi, est-ce que c'est un bouddhiste, ou je ne sais plus comment on dit, bouddhi, est-ce que c'est un nasrani, il a khiri. Qala faqul din al-islam. Dini al-islam. Lakin huwa, yuridu bidhalik al-islam al-khas kama sa'ati. Qala wa huwa al-istislamu lillahu bit-tawhid. C'est le fait de se soumettre à Allah azawajal par l'unicité. On se soumet et on unifie Allah subhanahu wa ta'ala. قال والانقياد له بالطاعة والانقياد c'est écrit والانقياد وبالطاعة c'est une erreur والانقياد بالطاعة الانقياد c'est le fait de se soumettre aussi c'est le fait de barlofik yani répondre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala كما قالوا هو المطاوعة c'est le fait de répondre le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala بالطاعة والطاعة l'obéissance c'est quoi c'est le fait de que tes œuvres sont conformes à l'agrément d'Allah Azzawajal. Celui qui a oublié Allah Azzawajal, c'est celui qui, dans ses œuvres, sont conformes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal bara'a min ash-shirki wa ahlihi. et le fait de se désavouer du shirk, ou kazalika du kufr, de tout ce qui est une désobéissance. Ça, c'est l'obligation. Lorsqu'il dit shirk, il veut dire par là tout ce qui est quoi? Les annulatifs de l'islam. C'est-à-dire que al-bara'a min al-shirk, wal-bara'a kazalika min al-nifaq, wal-bara'a kazalika min al-kufr. Al-bara'a min al-shirk wa ahlihi, al-bara'a min al-kufri wa ahlihi, al-bara'a min al-nifaq wa ahlihi. C'est-à-dire al-bara'a min kulli ma yunaqid al-islam wa ahlihi. Ça, c'est obligé. Yani de se désavouer de tout ce qui est annulatif de l'islam et des gens qui œuvrent par les annulatifs de l'islam. On doit se désavouer de ces personnes-là. Si on ne se désavoue pas, on n'a pas la base de l'islam. On n'est pas musulman. On n'est pas musulman. والدليل على ذلك قول سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Cette آية là, c'est la plus grande آية qui est dans le Coran qui nous montre يعني, le désavouement envers les mushrik. Cette ayah-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué. لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بَرَاءُ مِنْكُمْ. On se désavoue de vous. أَمِمَا تَعْبُدُونَ. On se désavoue de vous et qu'à ذلك de ce que vous adorez. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْ دُونِ اللَّهِ. Est-ce que ça suffit? وَكَفَرْنَا بِكُمْ. C'est-à-dire, on juge de vous, après que la science vous est parvenue, que vous êtes des kuffars. Et après que vous êtes entêté, yani sur votre mécréance, ou bien sur votre nifaq, ou bien sur votre shirk, on juge de vous que vous êtes des munafiqs, on juge de vous que vous êtes des mouchriks, et on juge de vous que vous êtes des koufars. Donc ça ne suffit pas de se désavouer. La kim kadalika, il faut coller des étiquettes, afin de savoir qui est qui. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Et à ce jour-là, à partir du moment que vous avez choisi la mécréance, ou bien un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, il y a l'hostilité et la haine qui s'est mise entre nous. On se doit de vous détester et d'être hostile envers vous. Cette hostilité-là, ou al-barda, le fait qu'elle ne doit pas nous pousser à être injuste. C'est-à-dire que la haine dans certains des pays, on voit devant nous des koufars. Est-ce que le fait que ce soit un kafir, que je le déteste, que je dois le tuer, là, ça ne revient pas à nous. Ça ne revient pas à nous. Ça revient au mara, au juge. Ça revient au juge. Lakin, nous, on se doit de les détester. On se doit de les détester par le cœur. Lakin, kazalika, de les appeler à l'islam. Le fait qu'on les déteste, ça ne doit pas nous empêcher de les appeler à l'islam. Le fait qu'on les déteste, ça ne doit pas nous empêcher d'être bons envers eux afin qu'ils voient le bon côté de l'islam et qu'eux aussi, kazalika, ils rentrent dans l'islam. Ya'tadikul al-islam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être bon envers les personnes qui ne vous combattent pas dans l'islam et qui ne sont pas expulsés de vos maisons. Ils peuvent être kuffar, lakin tu peux avoir un bon comportement avec eux, kadhalika, avec les parents qui sont mushrik. كما الله عز وجل أمر بذلك وإن جاهدوك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. Malgré cela, même si jamais ils t'appellent à la mécréance, bien de tes parents, tu dois les détester par rapport au fait qu'ils sont kuffar et qui préfèrent le kuffar à l'islam. Lakin, ma dhalika, il faut que tu sois bon envers eux, envers tes parents, bir al-walidain. C'est-à-dire que le fait d'avoir une hostilité dans les cœurs par rapport au fait qu'ils sont kuffar, ça ne doit pas nous empêcher d'être bon envers eux, afin qu'ils voient les bons côtés de l'islam et qu'ils rentrent, inshallah, de baraka wa ta'ala, fil islam. Donc cette haine-là, elle doit être dans les cœurs par rapport au fait qu'ils sont kuffar. Mais ça n'empêche pas d'être bon envers eux afin qu'ils voient les bons côtés de l'islam. Ça, c'est une chose qui est importante à faire et à connaître, parce que sur ce point-là, ils ont dévié les ad-da'ash ou al-khawarij. C'est-à-dire qu'ils ont une hostilité, il y en a sans limite. Ils se permettent de tuer qui ils veulent sans le consentement du gouverneur. Ils font les choses par eux-mêmes. Donc eux, ils ont dépassé les limites. Ils ont oublié ce verset-là. Donc cette hostilité-là ne doit pas nous empêcher d'être bons envers les koufars afin de montrer le bon côté de l'islam. Ça, c'est ça, le al-niya. Al-qasdu min dhalika, l'intention de cela, de cette ihsan, du bienfait qu'on leur fait, c'est afin qu'eux, ils voient le bon côté de l'islam et kazalika, qu'ils rentrent dans l'islam. قال رحمه الله قال وإن فإذا قيل لك من نبيك هي ton prophète قال فقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أفضل الصلاة والتسليم. Si on te demande qui est ton prophète, kazalika, tu dois savoir que ton prophète c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, kazalika, c'est une question qui est quoi? Qui est simple. Si tu demandes à une personne qui est ton prophète, il va te dire c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, lorsque tu l'appelles aux œuvres, tu lui dis, mathalan, al-mawlid, al-nabawi, ça n'existe pas. Le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais, véritablement, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton prophète, tu dois le suivre. Dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a délaissé. Dharuni ma taraktukum. Yani, laissez les choses telles que je vous les ai laissées. Donc là, si la personne va dire oui, mon prophète, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc il va le dire bin lisan, lakin au niveau de l'application, zéro. Lorsque le Mawlid vient, il fête la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la fête de Al-Mi'raj, ou je sais plus comment ça s'appelle, Al-Isra ou Al-Mi'raj, qu'est-ce qu'il fait la fête? Tu dis non, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas fait. Non, mais un tel a dit. Donc là, il est en train d'associer dans le mutabaha, dans le suivi, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama, ils ont invoqué comme on trouve du shirk dans l'ibada. Kadalika, il y a du shirk dans quoi? Dans le mutabaha. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'unifier dans le suivi. Et on ne doit pas suivre une personne au dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une personne qui ne vient pas avec un dalil. Il y a un shirk. Si jamais on lui pose une question, il répond par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas suivi le shirk. Lakin, on a suivi le dalil dont le shirk nous a évoqué. Kadalika, les ulama, s'ils sont unanimes sur une chose, on n'a pas suivi. On ne les a pas suivis eux, yani, parce que c'est des ulama, on les a suivis parce qu'Allah Azzawajal nous a demandé de suivre l'unanimité des ulama. Donc on a suivi le kitab. Donc on a suivi le kitab. Le fait de connaître le prophète, de savoir que c'est lui qui a été envoyé afin de nous faire comprendre l'islam, ça demande aussi une application. C'est-à-dire ne pas suivre rien d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une claque yani, pour ceux qui sont les ashab al-madhahib. Ceux qui disent, lorsque tu leur dis une chose, ils disent Shafi'i a dit, Al-Imam Ahmad a dit, Lakin Abu Hanifa a dit, ça c'est un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est un naqs, ça montre une faiblesse dans le suivi. Donc le fait de savoir que le prophète c'est Muhammad, ça demande aussi de le suivre. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Si vous prétendez sincèrement aimer Allah azza wa jal, donc suivez-moi, yani suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hauna, il a évoqué un peu sa descendance. Il a évoqué sa descendance. Muhammad ibn Abdullah, son père, c'est Abdullah. Et il est mort sur le Al-Kufr. Lorsque cette personne-là est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Aina Abi, où est mon père? Faqal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en enfer. Il a vu, il est reparti, il était triste, il a commencé à pleurer. Fanadahu, il a appelé, il a dit, Inna abaka wa abi finnar. Afin de le consoler. Yani, t'es pas le seul dont le père est en enfer. Mon père aussi est en enfer. Abdullah. Certains disent, non, il n'est pas en enfer, c'est faux. Et ils disent que celui qui dit que le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en enfer, il a certes dénigré le prophète. C'est pas vrai. On dit une chose dont le prophète lui-même a dit. Inna abaka ou inna abi ou abaka finna. Mon père et ton père sont en enfer. Qala Muhammad ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib. Il faut savoir que Abdel Muttalib, c'est le surnom qui a été donné à son grand-père. Il l'a appelé Abdel Muttalib parce que son père qui était Al-Muttalib, il était souvent avec son père qui était Al-Muttalib. Il est revenu d'un voyage un jour et il était le soleil il avait bronzé, sa peau était devenue bronzée. Et les personnes généralement qui étaient basanées, noirs de peau à l'époque, c'était ceux qui étaient des esclaves. Donc ils ont pensé les gens que le fils de Muttalib c'était son esclave. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Abdel Muttalib, le serviteur de Muttalib. Sinon, son nom c'était déjà Shayba. Il s'appelait Shayba. Donc le nom de Abdel Muttalib c'est un surnom. Et son nom c'est quoi? C'est Shayba. Ibn Hashim, ou Hashim ibn Quraysh, et c'était la tribu la plus noble chez les Arabes. Wa Quraysh min al-Arab, wal Arab min dhurriyati Ismail ibn Ibrahim alayhi salam. Donc ça nous montre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est quoi? D'une grande descendance. Il est d'une grande descendance. C'est de la descendance de Ibrahim alayhi wa sallam. Et tous les anbiya après Ibrahim sont tous de sa descendance. Ça c'est le khulasa qu'on peut évoquer par rapport à ce premier passage là, al-usul al-thalatha allati yajib 'ala kulli muslim wa muslimah ma'rifatuha.